On va parler de la Coupe du monde de rugby, la Coupe du monde de rugby qui va connaître son apogée demain en Angleterre, alors que la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, vont affronter l'équipe d'Australie. Par contre, aujourd'hui, il y a la médaille de bronze qui va opposer l'Afrique du Sud à l'Argentine. Et pour en parler, peut-être la seule personne qui a suivi ça au Saint-Jacques-Saint-Jean, de CKJ, Pat Bouchard. Salut, Pat! Salut, oui, ça va bien, Pat, effectivement. Avant de parler de la grande finale et du match de la médaille de bronze aujourd'hui, on parlait un peu de l'ensemble de la Coupe du Monde. Est-ce que ça a été une Coupe du Monde vraiment réussie? Justement, tu me parlais là de que j'étais probablement le seul à suivre ça au Saint-Denis-Lac-Saint-Jean. Il y a des grosses chances, mais je te pose la question comme ça, là, donne-moi une estimation. Est-ce que tu penses combien qu'il y a eu de gens qui sont allés dans les stades voir les matchs? Pas à la télé, dans les stades là à Londres, voir les matchs qu'il y a eu au cours du mois? J'ai aucune idée. 2 300 000. Hey, monsieur, c'est quoi? C'est 50, des matchs de 50 000 personnes à peu près? Ben, ça dépend. Il y a des stades de 35 000, ça c'est les plus petits. Les plus gros vont jusqu'à 70. Peut-être 75 000, je pense, puis à chaque match, ça a été plein à tous les stades. OK. Donc, c'était un grand succès. Est-ce qu'on a parlé, puis je pense, j'ai vu passer une nouvelle sur mon site, d'ailleurs, qui parlait que, je pense, au niveau de la télévision, c'était un succès aussi. Tout à fait. C'est des codes d'écoute qui ressemblent au mondial de soccer, avec un petit affaire de moins. Mais il y a beaucoup de gens en Amérique du Sud, il y a des grosses ligues aussi dans le coin de l'Océanie, même au Japon, en Chine. Donc, tout ce monde-là, évidemment, partout dans le monde, écoutait pour voir si leurs équipes allaient se rendre loin. Et cette année, on a eu quand même quelques surprises. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir un des bons matchs là, des deux matchs de finale, la finale de bronze contre l'Afrique du Sud et l'Argentine. Il faut se rappeler que l'Afrique du Sud a quand même perdu contre la Nouvelle-Zélande seulement 18-20. Okay. 18 à 20? Ce qui veut dire que c'est quand même une bonne équipe. 18 à 20, c'est... 18 à 20, c'est pas le mal. Ouais, 18 à 20, c'est le pointage, c'est comme ça? Ah ben non, ben ils ont perdu 18 à 20. Je veux dire qu'eux ont le 18, puis Nouvelle-Zélande ont... OK, 20-18, OK. Donc, ils ont perdu. Okay. Mais l'Afrique du Sud a une très, très grosse défense. Ils sont peut-être un peu moins forts à l'attaque. Du côté de l'Argentine, 16 à 26 contre la Nouvelle-Zélande, pour eux, c'est exceptionnel. Contre l'Australie, ça a fini quand même 15 à 29. Ça va être un bon match parce que l'Argentine a un style ben différent des autres. Eux font des passes sans arrêt, ils regardent pas ce qui passe, mais souvent ça fait des jeux vraiment spectaculaires. Par contre la défense d'Afrique du Sud, ça va être très difficile, donc ça va être un match qui risque de se terminer avec un très bas pointage, là, peut-être un essai, deux essais au cours du match, à moins que les deux défenses s'écroulent là, puis que ça se mette vraiment à aller rapidement. On sait jamais ce qui peut arriver au rugby, mais sinon ça risque d'être un match vraiment défensif. Et ça va être difficile là, de passer les lignes là, du côté de l'Argentine et de l'Afrique du Sud. Ça risque d'être une très belle finale de bronze aujourd'hui. Mais évidemment, le match tant attendu, c'est le match de demain. Celui de la finale, les All Blacks contre les Wallabies, Nouvelle-Zélande contre Australie. C'est des équipes qui se rencontrent régulièrement au niveau international parce que tous les joueurs jouent dans la même ligue à peu près. Mmh. C'est la ligue de l'Océanie qui compte l'Australie, qui compte la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Samoa et toutes les petites îles du Pacifique. Fait que c'est des joueurs qui se connaissent bien, des joueurs qui... Donc, la rivalité est là, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Puis, c'est deux équipes complètement différentes qui risquent de faire, justement, un très bon match. OK. Dis-moi, je savais que le rugby était pratiqué beaucoup en Europe, également dans les pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Calédonie, et ainsi de suite. Mais je savais pas qu'en Amérique du Sud, l'Argentine... C'était pratiqué aussi? Oui, l'Argentine, il y a l'Uruguay aussi qui a fait partie de la Coupe du Monde, qui ont perdu leur place pour qui vont devoir se classer. D'ailleurs, on se rappellera du film Les Survivants, ouais. dans les années 90, là, ben c'était une équipe de rugby d'Uruguay justement qui s'était écrasée dans les Alpes et qui s'en allait jouer justement en Argentine contre l'Argentine dans un match international. C'est très très fort là du côté de l'Amérique du Sud. Il y a d'ailleurs une ligue là, peut-être pas aussi puissante qu'en Europe, mais quand même on se rend compte que regarde, l'Argentine s'est quand même rendue en finale de bronze, ce qui veut dire que du côté de l'Amérique du Sud là, le rugby est en santé puis commence à évoluer. OK, si on parlait donc pour les deux finales, tu prévois quoi? Ben aujourd'hui, Afrique du Sud, Argentine, probablement que l'Afrique du Sud risque de remporter parce que l'Argentine, comme je le dis, fait des jeux un peu plus éclatés. L'Afrique du Sud, trop puissante en défense, qui veut dire que l'Argentine risque de perdre le ballon à plusieurs reprises. Par contre, l'Afrique du Sud est un peu moins forte en offensive, donc mais je mets l'Afrique du Sud gagnante là, pour aujourd'hui contre l'Argentine. Mais c'est le rugby, tout peut arriver. Ouais. D'ailleurs, le premier match de la Coupe du Monde de cette année, c'est le Japon qui a battu l'Angleterre, alors qu'on s'attendait pas du tout à ça. Parlons des équipes. Parlons du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Canada? Le Canada, ça a été une année de misère cette année, autant du côté international quand on a joué contre les autres équipes. On a, je pense, une victoire seulement, une petite victoire par quelques points. On n'a pas gagné un match, là. Donc, on a fini cinquième et dernier du pool. 4 défaites, 4 matchs. On a fait 2 points seulement. C'est les points là, de bonus offensif qu'on a eu contre la Roumanie quand on a perdu 17 à 15 alors qu'on aurait dû remporter contre la Roumanie. Et par contre, on avait bien fait contre l'Italie. 23-18 seulement contre l'Italie. C'est un bonus défensif qui était inattendu puisque l'Italie est beaucoup plus forte là, que le Canada. Okay. Contre l'Irlande, évidemment, là, ça ressemblait plus à un match normal. 50-7 pour l'Irlande, même chose pour la France. Quoique la France, en début de match contre le Canada, c'était encore égal jusqu'à la mi-temps. On se demandait justement ce qui se passait avec la France. Elle a quand même fini 41-18. Là. Mais non, ça n'a pas été une grosse année. Et ça risque pas de s'améliorer dans 4 ans parce que là, nos gros joueurs sont déjà âgés. Ils risquent pas de se retrouver au Japon. Et on n'a pas beaucoup d'évolution du rugby. Donc au Japon, si on réussit à se classer, ce n'est pas fait. Il faut se classer là, pour avoir notre place. Ça risque d'être bien difficile parce que justement des équipes comme le Japon, qui est à peu près à notre niveau, ont passé, sont maintenant troisième de leur poule, donc ils assurent déjà leur place à leur Coupe du Monde au Japon qui aura lieu dans 4 ans. Ça va être difficile. Là. Il y a des petites équipes comme le Canada qui, elles, s'améliorent, mais le Canada reste statique. Et puis je pense qu'on va juste diminuer de qualité par rapport aux autres équipes qui augmentent. Donc je suis pas sûr qu'au cours des 4, 5, même 10 prochaines années, le Canada va être très, très présent sur la scène mondiale du rugby. Je suis même pas sûr qu'on va être présent au Japon pour la prochaine. Mais la jeunesse, il n'y a pas de jeunes qui percent, c'est pas... non? Pas tellement, puis on n'a pas beaucoup d'équipes pour montrer nos joueurs. Donc, les joueurs qui réussissent à percer au top 14 en France, en Angleterre ou en Australie, c'est des joueurs qui se sont expatriés souvent aux études. Donc, ils sont allés étudier en jouant au rugby en Europe ou justement dans ces coins-là, mais il y en a beaucoup. Là. On avait 2 Canadiens qui jouaient dans le top 14 cette année, quelques-uns dans la Ligue d'Angleterre, mais au Canada, dans l'équipe canadienne, il y avait à peu près, je pense... 2 joueurs, là, donc on peut dire professionnels, qui jouent dans les grosses ligues et qui sont, disons, des joueurs de calibre là, de ces ligues-là. Mais 2 joueurs, c'est pas assez dans une équipe, ça en prend plus. OK. Donc, Pat, gros merci. On va suivre ça. Moi, je suivrai pas ça. Honnêtement, j'aime pas beaucoup le rugby. Quand même, je te contrerai que j'aime ça, c'est pas vrai. Sauf que c'est pas parce qu'on aime pas ça qu'on n'est pas obligé d'en parler. Puis tu sais que demain, toi, tu t'envoles pour Cuba. Donc, malheureusement, tu pourras pas le regarder. Mais il va quand même avoir l'impression de... Je vais le regarder à Cuba parce qu'à Cuba, c'est ce que j'ai découvert là, quand je suis allé l'an passé. Il y a beaucoup de rugby à la télé. OK. Quand il n'y a pas le soccer, il y a du rugby. Fait que je pense, après moi, je vais trouver un petit bar pour aller écouter ma finale. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Mais si vous voulez découvrir le bon rugby, là, c'est le meilleur moment, les 2 finales, parce que justement, c'est des bonnes équipes. En plus, comme je vous avais déjà parlé de l'arbitre Nigel Owens, qui est le meilleur arbitre au monde, ils l'ont mis évidemment pour le match final. Donc, en ayant 2 bonnes équipes, un bon arbitre, c'est là qu'on voit vraiment le jeu, parce que le jeu est moins décousu, le jeu est moins un peu n'importe quoi, il est vraiment bien placé, on le voit bien. Ce qui fait que pour comprendre le rugby, là, le meilleur truc, là, c'est justement c'est d'écouter ces 2 finales-là, vous allez plus pouvoir apprécier le jeu et les bons jeux. Ben, Pat Bouchard, on te laisse, on te souhaite de belles vacances sur le show soleil de Cuba, puis on va s'en reparler peut-être un autre tantôt pour parler de rugby. Pat Bouchard, apparemment la seule personne qui a suivi le rugby, la Coupe du Monde au Saint-Jean.